Chapitre 10e, la veillée mortuaire. La présence de mort imprime une invincible terreur, même chez les organisations les plus énergiques. Ce n'est qu'à voix basse que les vivants osent échanger leurs pensées. La pièce, l'une des plus coquettes et des plus gaies de l'hôtel, dans laquelle avait été déposé le duc, avait pris tout à coup un aspect lugubre. Le corps du défunt, recouvert d'un drap, se dessinait sous des formes rigides. Quatre flambeaux allumés, placés aux angles du lit, formaient une sorte de chapelle ardente. Un crucifix, mis à l'endroit de la poitrine, se détachait en noir sur la blancheur du linceul. Assis près du lit, M. de Kerlusset et Martineau veillaient en silence. Ce dernier, après une longue hésitation, dit à voix basse à Amaury : « Monsieur de Valombreuse a-t-il à Uriage d'autres amis que vous ?»« Aucun autre, » répondit le vicomte également à voix basse. « Dans ce cas, vous aurez un dernier devoir à remplir, plus douloureux encore que celui-ci. » « Oui, le duc laisse une veuve, deux jeunes filles et un fils. » « Et vous voilà nécessairement chargé de la pénible mission de les informer du coup épouvantable qui les frappe. »« Ah, j'y avais déjà songé, mais que leur dire ? Sais-je bien moi-même si le duc est mort volontairement ou victime d'un accident de chasse ?»« La chose n'est pas douteuse, » reprit Martineau. Il a dû appuyer le canot de sa carabine sur son front et faire partir le coup à l'aide de la baguette que sa main crispée tenait encore lorsque nous l'avons relevé. « C'est vrai, » répondit M. de Kerlusset après un instant de réflexion. « Le malheureux a dû se tuer, mais pourquoi ? Idolâtré de sa femme et de ses enfants, immensément riche, quel bonheur lui manquait ! En effet, c'est fort étrange. Mais peut-être a-t-il laissé quelque écrit pour expliquer sa terrible détermination. « Je vais m'en assurer, » dit le vicomte. Il prit l'un des flambeaux et ouvrit le secrétaire. Mais il n'y trouva que des papiers insignifiants. « Peut-être dans son portefeuille ? » reprit Martineau. « En effet, je me souviens. » Au moment où nous sommes partis pour le lac Robert, il a serré une lettre dans la poche de son vêtement. Il glissa la main dans la veste de chasse du mort, et une lettre tomba à terre. Martineau la ramassa et la remit au vicomte. Ce dernier tressaillit. Sur l'enveloppe de cette lettre était écrit en caractère net et ferme « Au vicomte de Kerlusset ». Amaury ouvrit la lettre et lut ce qu'elle contenait. Et à mesure qu'il lisait, son visage exprimait tour à tour l'étonnement, la stupeur et l'épouvante. « Pauvre duchesse, pauvres enfants !» murmura Amaury lorsqu'il eut terminé sa lecture. Martineau attendait avec anxiété l'explication de ses paroles. Mais le vicomte était retombé dans un morne abattement. Pendant plusieurs heures, on entendit dans la chambre mortuaire d'autres bruits que celui du balancier de la pendule. Le journaliste, malgré tout son vif désir de connaître ce que renfermait la lettre du duc de Valombreuse, n'osa point arracher Amaury à son douloureux silence. Enfin, une lueur blafarde fit pâlir la lumière des bougies. Le jour allait paraître. M. de Kerlusset sortit alors de sa longue torpeur. Il leva la tête et il aperçut, à quelques pas de lui, Martineau. « Tout en moi est doute et confusion, » lui dit-il. « J'ai besoin d'un conseil d'amis, d'un guide discret, au milieu des ténèbres qui m'enveloppent. Parlez, et quoi que j'entende, vous pouvez compter sur mon silence le plus absolu, » répondit Martineau. La lettre que m'a écrite le duc avant de se tuer, car il s'est tué, reprit Amaury, est tout à la fois une confession et un acte suprême de contrition. Je ne vous la lirai pas, je me bornerai à la résumer. Sachez donc que le mort qui est là, après avoir été l'un des hommes les plus brillants, et dois-je le dire, les plus à bonne fortune de son époque, s'était réfugié dans un mariage d'amour. À partir de ce moment, sa transformation fut complète. Le vivaire d'autrefois avait été remplacé par le mari et par le père, et l'âge survenant, rien ne devait faire pressentir que le bonheur qu'avait trouvé jusque-là M. de Valombreuse dans les douces affections de la famille pourrait un jour être anéanti. Ce fut cependant ce qui advint. Flavia Morin avait été admise dans la maison du duc en qualité d'institutrice de ses deux filles. Elle était remarquablement belle et elle en devint éperdument amoureux. Répondit-elle à la passion qu'elle lui avait inspirée, il n'en dit rien. Toutefois, pendant son séjour à Uriage, M. de Valombreuse, emporté par la folie de sa passion, était allé jusqu'à promettre, dans une lettre adressée à Flavia, de lui donner son nom si la duchesse venait à mourir. C'est, d'après ce qu'il suppose, cette espérance qui a dû inspirer à cette jeune fille le crime épouvantable pour lequel elle est poursuivie. Appelée à témoigner devant la justice, il a reculé devant la pensée de l'accusé et devant le scandale produit par les révélations de la coupable. C'est pour ce double motif qu'il s'est tué. Le vicomte de Kerlucé avait achevé. Cette Flavia ne serait donc qu'une misérable empoisonneuse, dit Martineau. Tout porte à le croire, répondit Amaury. Mais que faire maintenant? Dois-je, cette lettre à la main, supplier la duchesse d'exaucer le vœu suprême de son mari en tâchant de soustraire Flavia à une condamnation certaine? Dois-je au contraire, n'écoutant que ma conscience, remettre cet écrit à la justice? Martineau à son tour devint rêveur. La situation en effet était des plus perplexes. « Si vous livrez cette pièce à la justice, dit-il après un silence à M. de Kerlucé, vous agirez contre la volonté du mort, puisque cette lettre est toute confidentielle, et vous aboutirez infailliblement à la condamnation de Flavia. »« Vous avez raison, reprit Amaury, mais alors quel parti prendre ?»« Je n'en vois qu'un seul, c'est de faire appel à la générosité de la duchesse, sans lui révéler toutefois l'entraînement coupable du duc et de lui apprendre ce qu'il attendait d'elle. » Mais ne soupçonnera-t-elle pas la cause de son suicide? Répondit le vicomte. Elle est très jalouse, et ma démarche pourrait bien avoir un résultat contraire à celui que je voudrais obtenir. Tout est possible, dit Martineau, mais je crois que la tentative doit être faite, ne fût-ce que pour vous conformer à la volonté dernière du duc de Vallombreuse. Soit. Aujourd'hui même, je partirai pour me rendre auprès de la duchesse. Quant à cette fatale lettre, voici ce que j'en fais. Descendre. En prononçant ces mots, Amaury approcha la lettre contre un flambeau et la brûla. En ce moment, on frappa à la porte. Martineau alla ouvrir. L'huissier, qui la veille avait apporté un mandat de comparution, entra tout effaré. « Grand Dieu ! Ce qu'on vient de m'apprendre est-il vrai, monsieur le duc de Vallombreuse ?» Monsieur de Kerlucé, pour toute réponse, montra le linceul qui recouvrait le cadavre.